un truc comme ça. Non. Moi je veux que tu veux. C'est quoi ces paroles que j'ai fait? Creuser sous le temps. Thank you.